de la mare Facebook, quelque part, je serais... Quoi que regarde pas la dernière photo, parce que là, je suis pas obligé du tout. Faut que j'enlève la photo. Double basse. Tu rentres dans mon fosse de boue, ça va chier. Bon, les photos moches, hein. Samantha. Double basse. Je sais même plus d'ailleurs. De toute façon, double basse, il n'y est jamais. Il n'y a pas sa photo. On sait pas à quoi il ressemble. Il ressemble à une basse d'ailleurs. C'est un truc rond. Un gros ventre. Ben, t'es même pas sur mon Facebook, alors tais-toi. La seule photo que tu peux voir de moi, ce serait sur une boîte. Ben, MSN n'existe plus, hein. Juste comme ça, en parlant. Du coup, tu touilles. C'est quoi ça, touille? Alors, nous avons ici Ben qui a perdu la cervelle. Un tweet. C'est nul ça. Je déteste ça. Tu te parles tout seul. Ben, en fait, il habite une cabane en fin fond d'une grotte. Houellebecq, c'est où ça? Thank you. Bonne nuit, belle. Fais le bon vin. Pas ma fille, toi. Ouais, ouais, il est méchant. Il a pas vu sa raclée, là. Au fait, t'as remis des nouvelles photos là? Fais voir, j'ai pas été regarder sur ton truc. Putain, t'es sur scène et tout. Waouh, wow, classe. Ma fille, faut qu'elle pousse un peu. Ben. Répondu que je souhaitais un joyeux anniversaire, alors tu vois, déjà. Pour te dire combien rarement qu'il y est. Elle a quel âge? À bientôt 18. la voix. Hein. Mais bon, elle est toujours aussi nulle en maths, hein, je te rassure. Faut que tu demandes la main à sa mère. Alors, c'est pas gagné. Hein.